ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la rivalité entre Montréal et Toronto. It's just fun working with all the American comics, explaining to them. They're always having, what's with Toronto, Montreal? What's with Toronto, Montreal? Well, imagine two brothers. One's a womanizing alcoholic. The other is an accountant. Quelle est la différence entre Montréal et Toronto, demande l'humoriste canadien anglais Mike Wilmot lors de son spectacle au festival Just for Laugh en 2012. L'un est un coureur de jupons alcoolique et l'autre est comptable, répond-il. La boutade est bien sûr énorme, mais au-delà du cliché, elle traduit cet esprit de rivalité qui a existé et continue peut-être toujours un peu d'exister entre les deux villes. Un commentaire ce soir de Toronto. Alain Dexter se penche sur la rivalité proverbiale entre Montréal et Toronto. Maintenant, il conviendrait peut-être de se demander pourquoi les médias torontois consacrent autant d'espace pour parler de ce qui ne va pas au Québec. J'y vois surtout une question de rivalité entre Toronto et Montréal. Il faut bien comprendre que Toronto est en pleine croissance. Il y a 15 ans à peine, c'était encore une sorte de gros village habité par des gens très puritains. Aujourd'hui, Toronto est comme une belle grosse adolescente, un peu boutonneuse, il est vrai, mais tout aussi puritaine. Et à un tel âge, il paraît que c'est une vertu. Plus tard, on sait bien que ça deviendra autre chose, mais pour l'instant, lorsque des Torontois un peu émancipés veulent soulager leurs inhibitions, ils doivent se rendre à Montréal, cette ville de péché dont parlent les pasteurs ici le dimanche. Les Torontois sont frustrés de voir les Canadiens de Montréal, par exemple, remporter succès après succès au hockey sur glace. Bien sûr, il n'y a pas que dans le domaine sportif où s'exprime le sentiment de frustration des Torontois, car Montréal a eu Expo 67, les Jeux de la 21e Olympiade et combien d'autres manifestations du genre, tandis que Toronto doit se contenter de quelques foires régionales. Le chroniqueur Alain Dexter à l'émission Commentaire du 15 septembre 1976, si ce commentaire a pris un léger coup de vieux avec le temps, il n'en traduit pas moins l'esprit de rivalité qui a longtemps régné, qui règne peut-être encore un peu entre Montréal et Toronto. Pour nous parler de cette rivalité entre Montréal et Toronto, je reçois Harold Bérubé, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke. Harold Bérubé, bonjour. Bonjour. Cette rivalité entre Montréal et Toronto, il faut tout de suite le préciser, Harold, c'est essentiellement l'affaire du 20e siècle. Avant, s'il y avait une rivalité, c'est plutôt entre Québec avant le 20e siècle, c'est plutôt entre Québec et Montréal qu'elle existait. Oui, absolument. Surtout durant la première moitié du 19e siècle. Au tournant du 20e siècle, Montréal est incontestablement la métropole du Canada, métropole financière, économique, avec un poids politique là, considérable. Et il faut vraiment attendre là, le milieu du 20e siècle pour que ces rôles changent. Mais à la fin du 20e siècle, les rôles ont effectivement changé. Et à ce moment-là, Toronto est indiscutablement donc la métropole du Canada. Il l'est encore clairement là, aujourd'hui. Ouais, et donc, la rivalité, elle va... Surtout dans la deuxième moitié du 20e siècle, on va... Et puis, on va y revenir dans les minutes qui viennent, mais c'est là où elle va s'exprimer parfois avec vivacité, disons. Absolument. Ça comme ça. Oui. Au-delà de l'aspect rivalité entre les deux villes, Montréal et Toronto, sont au départ deux villes différentes. Et c'est ça qu'on va faire dans un premier temps avec vous, avant d'arriver au 20e siècle. De quelle manière sont au départ différentes ces deux villes-là? Ça remonte à leur naissance, Harold Bérubé. Oui, absolument. C'est pas inintéressant de revenir aux origines dans ce genre de cas-là. Les deux villes ont des fondations qui sont vraiment à milieu l'une de l'autre. Dans le cas de Montréal, on a fait récemment son anniversaire. Et donc, on n'a pas beaucoup mentionné le récit qui a longtemps dominé l'historiographie et qui est le récit traditionnel véhiculé par Gros et consorts de la fondation de Montréal comme ville missionnaire et mystique. Oui. C'est un récit, donc, on est au 17e siècle, on connaît un peu les personnages, Maisonneuve, Jeanne-Mance et compagnie. Et la fondation d'une ville qui se veut donc missionnaire, qui est un récit où se mêle héroïsme, élan mystique, quelques miracles pour bien compléter l'affaire. Et l'image, donc, on a longtemps véhiculé de cette histoire-là. C'est donc l'image glorieuse d'une fondation comme ça, missionnaire catholique. On veut évangéliser. Oui, exactement, exactement. Évidemment, dans les faits, c'est pas ce qui est arrivé. Hein, Montréal n'a pas été longtemps ce centre missionnaire rayonnant. Hein, la ville a vraiment connu un élan et un développement une fois qu'elle s'est inscrite dans les réseaux commerciaux liés initialement à la traite des fourrures. Puis par la suite, donc, elle va devenir surtout une ville commerciale. Hein, c'est un statut qui ne change pas après la conquête. C'est seulement les commerçants, en fait, qui changent d'identité et de nationalité, il faut le dire. Mais la ville, donc, se développe vraiment avec cet élan d'abord commercial, beaucoup plus avec un mystique ou missionnaire. Alors que la création, la naissance de Toronto, c'est tout autre chose. Ah oui, absolument. Donc la ville arrive évidemment plus tardivement. La région où se trouve Toronto donc est occupée longtemps par les Premières Nations. Lors de la création du Haut-Canada, donc on cherche un endroit où créer une capitale donc pour cette nouvelle colonie britannique. Et le fondateur ici n'est pas Maisonneuve, mais John Graves Simcoe, qui est le premier lieutenant-gouverneur du Haut-Canada. Et Simcoe, c'est un impérialiste pur et dur, si on veut. Et c'est quelqu'un qui veut reproduire là, vraiment dans ce Haut-Canada là, une image un peu idéalisée de ce que devrait être une colonie britannique. Donc, blanche, anglo-saxonne, protestante, anglophone, aussi homogène que possible. Et l'idée vraiment de créer donc, cette capitale qu'il va nommer York. Il y avait un fort qui était là qu'on appelait Fort Toronto. Simcoe n'aime pas trop l'idée d'utiliser comme ça un nom des Premières Nations. Il va y aller avec un bon vieil hommage au duc de York. Et donc, fonde York en 1793 avec cette idée d'en faire le centre là, comme ça d'une bonne colonie britannique. Fidèle. C'est une ville loyaliste. Oui, absolument. Oui, c'est une ville loyaliste, effectivement. C'est la population va être d'abord composée de ces loyalistes qui vont d'ailleurs jouer un rôle un peu dans la mythologie initiale de la ville. Autant du côté de Montréal, c'est la mystique un peu missionnaire qui est là. C'est la mystique loyaliste qui est un peu aux origines donc, de la ville de Toronto, sa fondation par Simcoe. Puis je lisais une formule en préparant l'émission qui, je pense, résume bien la différence dans le contexte de la naissance des deux villes en disant que c'est la géographie qui a créé Montréal, mais que ce sont les hommes, Simcoe en particulier, qui a créé Toronto. C'est c'est une belle manière de le traduire, effectivement. On le disait il y a quelques minutes, c'est au 20e siècle vraiment que va jouer cette rivalité entre Montréal et Toronto. Au 19e, donc, c'est la rivale de Montréal, c'est Québec. Oui. À partir de quand Montréal devient-elle la métropole du pays, Harold Bérubé? Ça joue vraiment dans le deuxième tiers du 19e siècle. À ce moment-là, Montréal et Québec sont à peu près nés à nés, les deux donc villes commerciales. Montréal va mieux se positionner que Québec pour toutes sortes de raisons, mais surtout Montréal va être en mesure de amorcer, si on veut, son industrialisation plus rapidement. Donc, elle est berceau de l'industrialisation au Canada. Elle est au centre du réseau ferroviaire qui prend forme à ce moment-là. Donc, ça lui donne toutes sortes d'avantages qui lui permet assez clairement de s'imposer donc dans les dernières décennies du 20e siècle, là, comme ce centre financier que l'on a mentionné tout à l'heure. À l'opposé, Toronto est dans une situation très différente. La ville, à ce moment-là, au milieu du 19e siècle, elle a un surnom qui n'est pas très élogieux. On la surnomme Muddy York, donc York la boueuse, pour toutes sortes de raisons, notamment à cause de tout simplement de la géographie de la ville. Elle est très vulnérable lorsqu'il y a de fortes précipitations. Donc, ces routes qui ne sont pas pavées, où il n'y a pas de trottoir, se transforment en fondrières qui ont très mauvaise réputation. Et il faut le dire, les élites locales vont s'emparer un peu de ce surnom-là pas nécessairement se l'approprier, mais l'utiliser, si vous voulez, pour marteler l'idée qu'il faut améliorer la ville. Donc, on fait des pressions auprès des élites municipales en disant, écoutez, on est Muddy York, il faut changer ça, il faut améliorer nos infrastructures, donner l'image d'une ville moderne qui a de l'élan et tout ça. Et ces élites, surtout libérales, donc prennent beaucoup de place donc, dans les dernières décennies du 19e siècle pour vraiment mettre de l'avant l'idée que la ville doit être à la hauteur donc, de ce qu'on a investi un peu comme aspiration. Puis essayer de rattraper, parce qu'à ce moment-là, vraiment, la pauvre Toronto, elle est dans l'ombre, mais complète de Montréal, parce que Montréal est vraiment une ville non seulement importante, c'est la métropole canadienne, mais il faut le rappeler, absolument. Dans l'Empire, parce que c'est beaucoup, on est encore dans ce modèle, c'est l'Empire britannique à ce moment-là qui compte. Les États-Unis vont commencer à se développer économiquement, puis ça aura un impact positif sur Toronto, mais dans les grandes années de Montréal, Montréal est une ville importante dans l'Empire britannique, c'est un port important. Absolument. Ces élites économiques se conçoivent comme c'est une métropole impériale, donc tous leurs liens économiques, leurs réseaux commerciaux sont tissés à l'intérieur de ce vaste espace britannique qui s'étend sur lequel le soleil ne se couche jamais. Du côté de Toronto, donc le développement est plus modeste, mais il se fait quand même. Le réseau ferroviaire se développe vers l'ouest. Toronto, il prend sa place progressivement. Il y a plusieurs villes de taille moyenne qui sont à proximité, qui permettent de nourrir ce dynamisme-là. Toronto également va occuper un secteur que vont négliger les élites montréalaises. Tout le secteur minier dans le nord de la province, vers la fin du 19e siècle. Montréal s'intéresse plus ou moins à ce secteur-là, alors que les élites torontoises y investissent massivement. Ouais. Et il y a beaucoup de capital qui va se retrouver là. Et finalement, les élites torontoises aussi tissent des liens assez étroits avec l'économie donc du voisin du sud américain. Ça va être fondamental. Puis on y reviendra, mais c'est vrai que Montréal va décliner parce que les secteurs industriels sont des secteurs mous, textiles, puis on va y revenir, alors que les ressources naturelles, les mines, ça va rester. Absolument. Ça va prendre l'ampleur. Absolument. Un petit détour avant de poursuivre sur cette rivalité économique qui va être de plus en plus concrète et vive au 20e siècle. Petit détour la culture ambiante, oui. La moralité, je dirais. Là aussi, il y a des différences importantes et assez tôt entre Montréal et Toronto, dès le 19e siècle, puis ça va se poursuivre pour une bonne partie du 20e siècle. Comment est-ce qu'on part, ces deux villes-là, sur le plan de la moralité publique? Bien, ça, c'est toujours intéressant quand on regarde ces rivalités-là, de comparer un peu les réalités dures, le socio-économique, le politique, et justement les représentations, le culturel. Et à ce niveau-là, la blague de tout à l'heure sur le coureur de jupons alcoolique et le comptable, c'est quelque chose qui prend forme assez rapidement. Donc, à la fin du 19e siècle, Toronto va vraiment être occupé par ce qu'on appelle le courant réformiste. C'est un courant de réforme, de la moralité, très ancré dans la religion protestante et va notamment se donner un maire, le maire Howland, qui reflète beaucoup ça. Donc, lutte à la prostitution, au jeu, on veut la tempérance, on défend le congé dominical. C'est une ville victorienne, très, à ce moment-là. Très victorienne. Puis à ce moment-là, il va obtenir un surnom qui est aux antipodes de celui de ceux qu'on va affubler à Montréal. Donc, Toronto the Good. C'est comme ça qu'on va en parler. Une ville qui est très homogène, il faut le dire, pour une ville de sa taille, très anglo-saxonne protestante et justement très préoccupée par ces questions morales qu'on commence à trouver un peu ringarde dans d'autres villes nord-américaines. Ouais. Et à l'opposé, Montréal va acquérir au tournant du 20e siècle, au début du 20e siècle, une réputation qui est tout autre. On la surnomme pas Montreal the Good, on parle de Las Vegas du Nord, on parle de Petit Paris. Certains vont dire qu'elle est trop Chicago, ceux qui critiquent justement ce tournant-là. Donc on la compare à des villes où le vice, le crime se porte bien. Et jusqu'à un certain point, c'est quelque chose qui est confirmé. Donc, L'alcool coule à flot. Oui, la police est plutôt corrompue. Il y a une tolérance face à la prostitution. C'est quelque chose, il y a toute une série d'enquêtes bien connues qui mènent aux années 50, où là, Pax Plante, Jean Drapeau, Comité de moralité publique, on va essayer de faire un grand nettoyage du red light montréalais. Mais donc, c'est vraiment une réputation qui est bien enracinée et qui est encore bien vivante aujourd'hui, malgré les succès de Plante et Drapeau à l'époque. Alors, on attaque cette rivalité essentiellement économique entre Montréal et Toronto, qui va jouer beaucoup au 20e siècle. Mais on revient quand même sur le 19e parce que c'est là que ça commence. Déjà, à la fin du 19e siècle, il y a certains éléments qui vont favoriser Toronto et qui vont faire qu'elle va petit à petit doubler Montréal à Rock-Bérubé. Absolument. Donc, au tournant du 20e siècle, Montréal peut commencer à regarder dans le rétroviseur et à voir apparaître cette rivale torontoise. Plusieurs des facteurs que j'ai mentionnés tout à l'heure se confirment et s'affichent et s'affirment. Donc, le déplacement du centre économique du pays vers l'ouest, l'ouverture des prairies, tout ça. Mouvement continental. Ah oui, absolument. Aux États-Unis, on va voir la même chose. Oui. Et il faut le dire, c'est un mouvement qui avait favorisé Montréal contre Québec à une époque. C'est le développement de l'Ontario qui avait favorisé Montréal contre Québec. Et maintenant, c'est le développement des prairies qui favorise Toronto contre Montréal. Donc, il y a ce développement économique qui se fait vers l'ouest, le déplacement des activités. Et là, Toronto est avantagé de toutes sortes de manières. Le canal de la Chine ne nuit pas. Et plus tard, il va y avoir la voie maritime. Mais déjà, le canal de la Chine a facilité la circulation vers l'intérieur du pays. Développement du secteur minier qui connaît vraiment un boom au début du 20e siècle, donc dans le nord de la province. Donc, tout ça joue en faveur de Toronto, dont le développement commence à s'accélérer considérablement. Elle est encore loin de Montréal au tournant du 20e siècle, mais clairement, elle s'affiche puis elle se détache des autres villes. Le canal Érié aussi en 1825. Ah oui, absolument. Et puis, vous disiez un peu plus tôt, mais le fait qu'on s'éloigne, puis ça va s'accentuer au 20e siècle, mais déjà, on commence à s'éloigner un peu de l'Empire parce que l'économie américaine se développe beaucoup, ce qui favorise Toronto. Absolument. Oui, bien ça, c'est les rapports nord-sud entre Toronto, les Grands Lacs. C'est une région qui connaît un développement économique, industriel majeur. Et Toronto est dans ce contexte-là, et beaucoup plus que Montréal. Et donc, elle bénéficie de tous ces rapports donc commerciaux avec le Sud et qui vont plus tard amener au développement, par exemple, du secteur de l'automobile. Ouais. Ce qui fait que Montréal, au 20e siècle, passe du statut de grande ville au statut de grosse ville. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on l'oublie, mais la population de Montréal, pendant une bonne partie du 20e siècle, va être aussi importante, même plus importante que celle de Toronto. Oui, largement. Voilà. Mais donc, la population est plus importante à Montréal, mais ce qui change, c'est qu'économiquement, la ville Rennes s'impose comme métropole. Qu'est-ce qui fait que ça se poursuit, et ce mouvement-là au 20e siècle? Et en fait, le point de bascule, c'est quand? À quel moment Montréal est déclassé économiquement et que Toronto devient la métropole économique? C'est très difficile de fixer un point précis, un indicateur qui pourrait nous dire incontestablement que le virage a eu lieu. Et il faut le dire, d'une certaine manière, les acteurs vont prendre du temps à s'apercevoir que ce changement-là a eu lieu. On a l'impression que lorsqu'on le réalise, c'est déjà fait depuis un certain temps. Donc, il y a différents indicateurs qu'on pourrait utiliser, mais je vous dirais que la rupture claire, là, c'est la crise économique des années 30. La crise économique des années 30 ébranle tout le réseau urbain nord-américain ébranlent les structures économiques de manière majeure. Et Toronto et Montréal écopent de cette crise économique. Mais déjà durant la crise, c'est intéressant. Au milieu des années 30, on voit que Toronto se remet beaucoup plus rapidement que Montréal. Vous parliez tout à l'heure des secteurs mous de l'économie. Ouais. Le secteur financier torontois se remet plus rapidement. L'industrie lourde également redémarre plus rapidement. Donc déjà dans les années 30, on voit que Toronto redémarre. Elle est encore derrière Montréal, mais elle redémarre beaucoup plus rapidement. Ouais. Et là, la guerre va venir changer aussi des éléments qui dépassent largement le contexte canadien. Le déclin de l'Empire britannique, la montée des États-Unis comme superpuissance, ce changement fondamental-là favorise clairement Toronto. Il y a des gens à Montréal qui font affaire avec les Américains. Il ne faut pas trop simplifier, mais clairement, Toronto est mieux positionné pour profiter de cette montée des États-Unis. Et Montréal se remet très mal de ce déclin de l'Empire britannique. Puis des choix, enfin, d'infrastructures. Vous en parliez, la voie maritime en 59. Évidemment, ça va favoriser le développement économique de Toronto. Le pacte de l'auto, on l'oublie, mais c'est important. Là, c'est le commerce nord-sud, c'est le commerce avec les États-Unis, mais c'est tout un secteur qu'on enfin, que j'allais dire qu'on va donner, mais qui va se retrouver en Ontario. Oui, absolument. Absolument. Donc, c'est quelque part comme ça. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, là, on ne pourrait pas te dire une journée, un mois, une année, mais c'est à ce moment-là que les choses se jouent. Les contemporains s'en aperçoivent pas tout à fait. On a encore l'impression que Montréal est la métropole pendant un certain temps, mais lorsqu'on regarde les indicateurs, déjà dans les années 50-60, le tournant est en train de se faire. Toronto a un élan qui est indiscutable, alors que Montréal a de la difficulté à garder un peu sa vitesse de croisière, si vous voulez. Le fameux contexte politique, Harold Bérubé, quel poids va avoir ce contexte politique, le projet indépendantiste québécois, par exemple, dans la perte d'influence que va subir Montréal au Canada? On en parle dans un instant, mais d'abord un petit rappel de ce que va provoquer l'élection du Parti québécois le 15 novembre 1976. Rompant avec la consigne du silence observée depuis un mois, le président de la Sun Life, M. Thomas Galt, acceptait cet après-midi à Toronto de rencontrer les journalistes. Nous croyons, dit M. Galt, que le transfert du siège social est devenu nécessaire à ce moment-ci afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur notre statut de compagnie canadienne. C'est donc, selon M. Galt, pour répondre à des pressions exercées par plusieurs détenteurs de polices d'assurance, que le conseil d'administration de la Sun Life a décidé de déménager son siège social de Montréal vers Toronto. Il y a eu, depuis le 15 novembre 1976, nous a affirmé M. Galt, une diminution du chiffre d'affaires de la Sun Life au Canada, et cela est dû en grande partie aux inquiétudes que suscite le climat politique du Québec. La compagnie Cadbury fermera sa confiserie de Montréal d'ici le 15 novembre prochain. Cette fermeture d'usine signifie la mise à pied permanente de 500 travailleurs qui viendront, pour un bon nombre, joindre les rangs de 140 000 chômeurs recensés dans la région de Montréal au mois de mai. Extrait de deux reportages réalisés dans les deux camps en 1978, l'un sur le déménagement donc du siège social de la Sun Life de Montréal à Toronto, l'autre sur le déménagement des activités de Cadbury d'une usine du Québec vers une usine de l'Ontario. Ces deux exemples, pour les plus vieux, vous allez vous en souvenir, Sun Life, la Cadbury, deux exemples qui ont vraiment marqué les esprits à l'époque. Dans les deux cas, donc, des compagnies qui quittaient le Québec à la suite de l'élection du Parti québécois en 1976, avec le recul d'Harold Bérubé. Est-ce qu'on a une idée du poids qu'aura vraiment eu le contexte politique, la montée du nationalisme au Québec dans le déclin économique de Montréal par rapport à Toronto? C'est une très belle question. C'est une question très compliquée. Et personnellement, je prendrais comme point de départ peut-être un essai peu connu, mais qui me semble important, de l'urbaniste, de l'activiste Jane Jacobs. En 1980, elle écrit un texte qui va faire grincer des dents. Elle écrit un texte qui va faire grincer des dents au Canada anglais qui s'appelle, c'est un petit essai qui s'appelle « The Question of Separatism » en 1980. Et elle fait l'analyse suivante, que je résume à grands traits. Mais pour elle, donc, elle voit les racines du déclin de Montréal comme assez lointaines, un peu comme je les ai présentées, là, les années 50-60. Et pour elle, c'est ce déclin de Montréal, le départ d'une partie des élites et du capital anglophone qui va permettre aux francophones de reprendre la ville, de s'y retrouver dans cette métropole qui va redevenir à leur image. De se l'approprier. Oui, exactement. Et pour elle, la Révolution tranquille est le résultat direct du déclin de Montréal. Le départ du capital de l'influence anglophone vers Toronto ouvre la porte pour elle à la Révolution tranquille. Et ce qui est encore plus intéressant et qui fait encore plus grincer des dents au Canada anglais, c'est qu'elle va dire dans un deuxième temps que dans ce contexte-là, pour elle, elle est en faveur de la séparation d'un point de vue purement économique, parce qu'elle va dire que si le Québec ne se sépare pas, Montréal est condamné à devenir une capitale régionale. Et pour elle, il n'y a pas de précédent à une ville de cette taille, qui a été métropole nationale, de devenir comme ça capitale régionale. Et pour elle, ça annonce des décennies de déclin et de pauvreté à Montréal. Et pour elle, la seule solution à ça, c'est la séparation. Un fédéralisme qui étoufferait l'espèce de statut statut naturel qui devrait revenir à Montréal. Exactement. Et donc elle prévoit comme ça. Torontoise. Oui, tout à fait. Et elle prévoit des décennies de pauvreté et de déclin pour Montréal, donc dans ce contexte-là, et appelle en faveur donc, de l'indépendance. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons voir de grands espaces. Montréal n'est plus la métropole du Canada, c'est Toronto. Peut-être parce que Montréal est devenu une métropole internationale. On a accès directement partout et quand un Canadien, même de Toronto, voyage, quand il s'est identifié, s'est présenté comme un Canadien, il se fait poser la question « Venez-vous de Montréal? » Pas seulement parce que Montréal a fait parler d'elle dans le monde, par ses succès. Ne l'oublions pas, des succès mondiaux. Sur la chanson thème d'Expo 67, une chanson de Stéphane Venn interprétée par Donald Lautrec, vous entendiez le maire de Montréal, Jean Drapeau, à l'émission Impact en 1985. Dans les années 60-70, Montréal va effectivement tenter de conserver son statut de métropole, Harold Bérubé, en organisant de grands événements internationaux comme l'Exposition universelle de 67, les Jeux olympiques de 76. Qu'est-ce que ça va donner dans les faits? Bien, c'est ça, si on a résumé un peu la trajectoire des deux villes durant ces années mouvementées 60-70. Du côté de Montréal, ce qu'on a justement, c'est des coups d'éclat comme ça pour tenter. On sent bien que la ville décline un peu. On sent qu'il a de la difficulté. Et le maire Drapeau est l'incarnation, mais il n'est pas le seul. Parfait de l'idée qu'en faisant des coups d'éclat comme ça, on va recapturer le statut de métropole. On va être capable de le conserver avec les expos, les Olympiades et tout ça. Du côté de Toronto, ce qui est intéressant, au contraire, c'est le développement tranquille. Hein. La ville se modernise, se développe. On va inaugurer la tour du CN l'an 76. Et c'est intéressant parce que du côté américain, on va regarder avec admiration cette ville nord-américaine qui se développe si bien. Efficace. Ah oui, exactement. C'est un journaliste américain en 75 qui va lui donner un nouveau surnom qu'elle aime bien d'ailleurs. C'est vraiment « The City That Works ». C'est l'idée de la ville fonctionne. Elle n'a pas les problèmes socio-économiques majeurs des villes américaines. Donc, elle devient une sorte d'exemple paradigmatique de la ville, de la grande métropole qui fonctionne. Ouais. Un mot sur les années 90, où là, la bataille économique, elle est perdue, entre guillemets. Oui. Mais là, il y a tout un jeu à savoir. La nouvelle question, c'est laquelle des deux villes, Montréal ou Toronto, offre la meilleure qualité de vie? Quelle est la ville la plus cool? Ça devient oui, ça, au fond. Absolument, absolument. Et ça revient à la question de l'ivrogne, coureur de jupons, du comptable. C'est plate, un comptable. Donc, dans les années 90, c'est peut-être la carte qui reste à Montréal. Et on va jouer beaucoup cette carte-là que Toronto est peut-être riche et tout ça, mais elle est ennuyante, elle est culturellement pauvre. Oui, absolument. Ouais. Et Montréal va vraiment faire beaucoup de millage sur cette idée-là, qui est en partie avérée. Mais il faut dire que au tournant du 21e siècle, ça va devenir de moins en moins vrai. Toronto développe une scène culturelle, des institutions culturelles dignes d'une ville de cette taille-là. Et Montréal se remet plus ou moins bien de cette réduction de l'échelle de son influence. Donc, les deux villes se retrouvent un peu au tournant du 21e siècle, même si la ville reine demeure la métropole. Oui, Toronto devient plus attrayante culturellement, puis Montréal se relève un peu économiquement. Oui. Harold Bérubé, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Harold. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Alain Savoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.